Bon, beaucoup de questions. Très intéressantes d'ailleurs. J'en ai Ah, une eu chance qu'il n'y a pas l'occasion de gens, de. toi. Sinon, on aurait été enterré de questions. Mon enfant de 5 ans. Il se pose plusieurs questions qui semblent avancer pour son âge. Je demeure souvent dépourvu face à ces questions. J'ai peur de lui en dire trop ou pas assez. Jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant de 5 ans? Bon, une chose aussi intéressante qu'on peut constater chez l'enfant nouveau, vers 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il peut souffrir et être malheureux et en parler régulièrement. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent arriver aussi. Je le dis parce qu'à un moment donné, j'avais déjà eu une question là-dessus. Mon enfant à 5 ans, il me pose plusieurs questions. Ce qu'il faut comprendre avec, c'est que l'âge n'a pas d'importance. Ce qui fait que je dis cela pour jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant de 5 ans? C'est ça le problème, souvent, au niveau pédagogique. Jusqu'à quel point doit-on répondre à une normalité de 5 ans? C'est ça, un enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans, ça ne veut rien dire. Donc, jusqu'à quel point, le fait de dire mon enfant à 5 ans, c'est intéressant, mais jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant? Ça s'arrête là, pas de 5 ans. Et c'est important parce qu'on est toujours pris avec l'idée de l'âge. Bon, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut vous instruire? Bon, spirituellement, on dit oui. Souvent, émotivement, on dit oui, mais ça arrive à peu près jamais qu'on l'accepte dans le vivant. À cause, encore une fois, de l'âge. Ça peut être la petitesse du corps, ça peut être aussi l'âge, le chiffre. À un moment donné, on va me dire, oui, j'ai 5 ans et demi. Ça, et demi, franchement, ça ne change pas grand-chose. Bon. Jusqu'à quel point peut-on répondre à un enfant? On doit toujours répondre au maximum à un enfant. L'enfant n'a pas de limite d'apprentissage par rapport à une problématique de question qu'il pose. C'est évidemment, lorsque l'enfant dit « Qu'est-ce que c'est ça dans les airs? » Ben, tu commences pas à faire un cours d'astronomie. C'est des étoiles. Bon, si ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est quoi une étoile? Mais là, il faut qu'on commence immédiatement à essayer de laisser tomber le phénomène, en fait 5 ans, ben c'est une petite bébite lumière, là, qui, tu sais, bon. On n'éduque pas un être humain à partir de tout ce qu'il devra oublier en grandissant. Un peu comme le phénomène du fou puis du navet, ou je sais plus trop, là, moi, j'ai pas connu ça, là, mais au niveau de la sexualité. Alors, l'enfant, on essaie souvent de l'instruire avec des choses qui sont apparemment ajustées à sa psychologie, mais qui, en réalité, sont ajustées à son langage. Mais son langage est formé par un ajustement à notre langage, c'est-à-dire au langage qu'on se sert pour communiquer avec lui. Alors, les étoiles, c'est une petite bébite tu sais, je donne un exemple, là, mais souvent on emploie des mots comme ça. Mais la petite bébite, un jour, il faudra lui dire que c'est pas une petite bébite, puis à un moment donné, puis là on se dit, à 10 ans, je dirais ça, puis à 15 ans, il y aura... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors donc, qu'est-ce qu'on répond à un enfant de 5 ans, quelles que soient les questions que l'enfant va poser? Et évidemment, on ne se demande pas nécessairement si l'enfant, mon enfant, est-ce que c'est un enfant nouveau ou un enfant ancien, ça n'a rien à voir. Je répète qu'on ne doit pas se servir de ces mots entre nous, des mots, disons, de pédagogue, pour savoir comment agir avec un enfant. On doit juste être suffisamment humain et vivant pour pouvoir agir avec l'enfant convenablement. Et on va donc, évidemment, dans chez nous, diagnostiquer, si l'on peut dire, parce qu'évidemment, présentement, c'est une maladie d'être un enfant nouveau, donc diagnostiquer ce phénomène pour pouvoir savoir comment fonctionner. Mais on doit fonctionner beaucoup plus avec notre propre vie, c'est-à-dire notre sensibilité, qu'avec ce que j'aurais dit ou avec ce qu'un jour j'écrirai sur la pédagogie de l'enfant nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on répond à un enfant? Bon, on répond tout ce que l'enfant veut savoir et on s'arrange, si possible, pour toujours enligner la réponse de façon à ce que l'enfant puisse continuer à poser une question. Ça, c'est de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça, ce sont des étoiles. Ah, qu'est-ce que c'est une étoile? On lui permet de continuer. Une étoile, c'est exactement comme la Terre. La Terre. Et là, on va se dire, ouais, mais tu sais, la Terre, il faut que j'explique que c'est une boule, puis on a peur, n'ayez pas peur. C'est exactement comme la Terre. Y a-tu du monde dessus, ou ben non, c'est quoi la Terre, ou ben non, y a-tu des chars, ou ben non, ah. C'est pas grave. C'est quoi la Terre? La Terre, ben, répondez-y pas, c'est comme ça en haut. Bon, parce que si t'es un enfant nouveau, quand il va avoir les pièces et haut pour vous taper dans le derrière, on va le faire. Alors, on continue toujours à répondre à un enfant de façon à ce qu'il puisse continuer à poser des questions. C'est évident que pour l'adulte, souvent, il va dire « Ouais, mais c'est épuisant. » C'est épuisant tant que l'enfant n'est pas certain que vous allez être comme ça tout le temps. C'est ça qui est important de comprendre. Quand l'enfant découvre une mine d'or, ça, un adulte qui répond, « Oh ben, il va-tu en profiter? Il va-tu en avoir des questions? » C'est épuisant. Mais s'il sait que cet adulte-là, il l'a à volonté à portée de la main, il sera plus épuisant comme ça. Et ça, c'est très important de comprendre. L'enfant peut être épuisant pendant 2, 3, 4, 5 jours, mais à un moment donné, s'il est convaincu que quelles que soient les questions qu'il aura posées, la réponse, enfin, l'adulte qui répond est à portée de la main, bien là, il va finir par laisser faire. Et on doit aussi apprendre à l'enfant que répondre à des questions, ça fatigue un peu. Là, il va dire « Pourquoi? » Bon, bien, tu vas lui dire « Ce qu'on va faire, m'a-t-on posé des questions, moi? » L'enfant va être content. Faites attention à ce jeu-là. On parle avec un enfant nouveau. L'enfant ancien peut aussi, parce que l'enfant ancien peut facilement être mutable en enfant nouveau. Donc, bon. Alors, on lui posera pas les questions. C'est quoi la couleur de tes cheveux? Tu sais, là, il va répondre. On dépose des questions qui demandent le même effort que chez vous. Là, il va comprendre. Alors, on lui pose la question. Pourquoi t'as des pieds? Dépendant de l'âge. Il y a 5 ans. Ben, là, il faut qu'il commence à chercher pourquoi il y a des pieds. Il va peut-être dire pour marcher. Pour mettre des souliers. Pourquoi marcher? Là, vous devez faire le même jeu que lui. Pourquoi marcher? Là, il commence à réfléchir. Il va commencer à se rendre compte que ce que ça veut dire être fatiguant de répondre à des questions. Alors, à un moment donné, on pourra lui dire, « Bon, OK, là, je réponds, là, mais pas plus que 3 questions, tu sais, parce que là, bon, l'enfant va comprendre. » Fait qu'il sera plus suceux d'énergie. Il sera plus épuisant pour vous. Alors, on l'éduque, encore une fois, dans un cadre d'écologie. Il doit comprendre ce que vous vivez. Et comment le comprendre, pas en lui disant, « Oui, mais ça me fatigue. » Pourquoi? Ben, c'est comme ça. L'enfant nouveau ne marchera pas. Et instruisez-le. Dans le début, évidemment, là, on parle, on apprend, on fait un peu un préliminaire. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vouloir, lundi, aller travailler en essayant d'appliquer certaines choses immédiatement. Vous savez que l'enfant nouveau, c'est pas une andouille. L'enfant ancien non plus. Mais l'enfant ancien est beaucoup plus programmable émotivement que l'enfant nouveau. Lorsqu'on va arriver, puis on va lui dire, bon, ben là, c'est des questions à me répondre. L'enfant nouveau, la première question, il va se poser à lui. Qui c'est qui y arrive à l'autre? Bon. Fait que, il va dire, tu sais, ça, c'est pas à cause qu'à un moment donné, bon, là, on décide qu'on change tout, que lui, il change. Ça fait, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 5 ans qu'il est programmé à être ce qu'il est là, à réagir contre l'homme ancien comme contre l'homme transitif, ben c'est pas parce qu'en 2 jours, tu as décidé de changer que lui, il change. Un instant, il te trustera pas. Alors, évidemment, faut qu'il y ait un cheminement, faut pas arriver. Bon, ben là, faut communiquer. Christy, à 2 mois, fait 6 mois, fait 6 ans, je veux communiquer, elle veut pas, puis là, viens me dire, faut communiquer. Ça marchera pas. Alors, faut pas arriver en lui disant, bon, ben là, non. Non. Faut faire la même approche que lui, faut l'apprivoiser. C'est long, c'est pénible. Surtout quand, à un moment donné, on découvre qu'effectivement, il est... Merde, mais c'est génial! Oui, mais il le libérera pas tout de suite, là, s'il a été contraint à le garder. Alors maintenant, il faut l'apprivoiser. Alors l'apprivoiser, un peu comme j'ai fait là, ben là, ce que je vous expliquais au niveau des questions, on apprivoise l'enfant. Alors, faut l'apprivoiser. Ici, il y a des cours qui sont donnés à des enfants. C'est un cours, disons, d'une forme de... C'est pas tout à fait un art martial. C'est pas tout à fait une forme de conditionnement physique. Ça porte le nom d'entraînement de l'intelligence en mouvement. Ben, on enseigne aussi à des enfants. Ben, ces enfants-là sont hyper apprivoisés. Il n'y a aucun problème. C'est absolument génial. Assez que les parents ont des problèmes avec eux, parce que nous, on n'en a pas ici. Bon, c'est un peu le même phénomène qui arrive à un moment donné, au niveau des scolaires. Bon, l'enfant pose des questions à sa mère ou à son père, puis les parents répondent mal. Pose des questions au professeur, le professeur répond. Quand il arrive à la maison, « Ouais, mais mon prof, lui, il sait, puis il me répond, lui. Fait, je t'en pose plus des questions. » Évidemment, ça crée des problèmes à la maison. Fait que là, c'est là que le mandat du professeur finit par être paramétré, puis limité, puis étranglé par le refus de ces choses-là par les parents. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on travaille pour les parents ou est-ce qu'on travaille pour les enfants? Est-ce qu'on travaille exclusivement pour soi ou si on est pédagogue? Faut aussi apprivoiser les parents, faut aussi apprivoiser le directeur de l'école, le propriétaire de la garderie, faut aussi apprivoiser les autres personnes, faut aussi apprivoiser, ben c'est ça le problème. Si on veut travailler avec un enfant nouveau, faut travailler avec l'humanité. C'est con, mais c'est comme ça. Faut apprivoiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être diplomate. Quasiment être politicien. Être diplomate, ça veut dire juste s'arranger pour ajuster les choses au fur et à mesure que les individus peuvent comprendre. Je parlais d'écologie tout à l'heure. L'enfant nouveau doit apprendre, du moment qu'il peut, que l'être humain a un cadre écologique, psychologique, qu'il a une éco-psychologie. Et chaque être humain a aussi une écologie psychologique. Alors, t'arrives pas à un moment donné, là, puis tu commences à... Bon, mettons qu'on a une personne ici qui est propriétaire de garderie. Alors, lundi, elle décide que tous ces techniciens qui sont pas venus, vont commencer à agir de telle façon. Mais un instant. Éduquer un enfant nouveau nécessite qu'on éduque l'éducateur. Ça, c'est pas comme ça. Faut apprivoiser. Alors, l'enfant, il a 5 ans. Comment répondre à un enfant de 5 ans? L'âge n'a rien à voir. On répond à l'apprivoisant, puis on répond toujours au maximum. Mais évidemment, on ne répond pas comme je fais présentement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas 10 minutes de temps sans y laisser la chance de poser une question. Parce que là, on ne sait plus. Alors, on répond de façon qu'il puisse continuer. Puis on répond pour qu'il puisse continuer. Et ça aussi, au niveau du vocable avec. C'est-à-dire qu'on ne répond pas, ça, c'est des étoiles. Ben, il n'en posera plus de questions. Okay, c'est important avec, là. Ça, c'est des étoiles. Là, c'est comme si t'étais en stand-by, en attente, t'attends. Ah, puis il s'assoit puis il regarde, parfait. Il rentre en dedans, parfait. Facile, facile, facile. Parce qu'on se met pas la tête, on cherche même pas. Être un pédagogue, là, c'est quand on est un vrai pédagogue, on est humain, là, on n'a pas besoin d'avoir toute une panoplie de choses. Il en faut dans le début, parce que on commence par être un peu ancien. Quel est le rôle de la relation affective dans le développement de l'enfant nouveau? Ah oui, ça, c'est une bonne question. J'ai fait une conférence à un moment donné qui s'intitulait « La sexualité de l'homme nouveau ». À l'intérieur de celle-ci, j'expliquais une chose nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de pédagogues qui sont transitifs avancés ou qui sont transitifs et que du côté de certaines choses sont nouveaux. On a de plus en plus d'hommes qui sont capables d'aimer un enfant comme la femme a toujours aimé l'enfant. Mais c'était pas le cas à l'avant, mais on en a de plus en plus. Le maudit problème, c'est que l'homme nouveau qui a le même contact avec un enfant qu'une femme, bien évidemment, on pense que c'est un désaccès. C'est un fait. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant nouveau, lui, aura un contact qui... Bon, la sexualité, c'est un phénomène extrêmement dangereux et intéressant. La sexualité, elle peut être d'ordre génital. On appelle ça souvent sexualité. Elle peut être d'ordre émotif. On appelle ça encore sexualité. Elle peut être d'ordre physique, c'est-à-dire endocrinien, donc hormonal. On appelle ça encore sexualité. Elle peut être d'ordre relatif, c'est-à-dire d'ordre relationnel au niveau de la relation, peut-être mental. On appelle ça encore la sexualité. Alors, faut faire attention. Chose qui est absolument certaine, c'est que la sexualité, disons, de l'enfant nouveau... Et lorsqu'on parle de contact affectif, je ne parle pas de contact génital, mais une chose est certaine, c'est que le corps physique de l'enfant, enfant ancien comme enfant nouveau, mais l'enfant nouveau est similaire à l'enfant ancien, sauf que l'enfant nouveau, lui, le conscientise, le phénomène. C'est ça qui est la nuance. L'enfant ancien, c'est pareil, s'il en souffle, il ne sait pas, puis il se déforme. L'enfant nouveau, lui, c'est pareil, s'il en souffle, il sait, puis là, il se révolte. Puis il se déforme avec, puis il se révolte. On doit avoir des contacts avec les enfants. Des contacts physiques avec les enfants. Souvent, les adultes n'en ont pas. Les parents, les professeurs. Tu sais, jouer d'un cheveu, c'est bien, bien correct. Mais si un jour, un adulte passe à côté de vous, là, puis vous jouez d'un cheveu comme ça en disant que vous êtes cute, là, ça va être aussi frustré que l'enfant va l'être. Alors, il y a donc d'autres choses qu'il faut faire. Le fait d'avoir des contacts physiques, pas des contacts sexuels, bon, des contacts physiques. Avec l'enfant, va évidemment paramétrer l'enfant, donc va le sécuriser. L'enfant va permettre la relation à l'enfant et l'enfant nouveau va découvrir que vous n'êtes pas ce que lui va finir par appeler un arriéré. Donnez-lui une raison intelligente de cacher le corps physique. Donnez-lui une raison écologique dans la société, il va comprendre. Il faut se le cacher parce que les gens viennent tout fous. Mais donnez-lui une raison intelligente pour lui, non. Parce que l'enfant nouveau, à un moment donné, vous allez le trouver dans la douche habillé. Ouais. Que la bonne femme ou le bonhomme, il va chialer. Ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi faudrait que je prenne ma douche, pas de vêtements, si je peux pas aller me baigner, pas de vêtements. Bon, c'est tout à fait logique. Hein? Bon, entre vous et moi. Ça veut pas dire qu'on peut le vivre, mais c'est logique pareil, c'est intelligent. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau affectif, l'enfant, on doit le toucher. On doit jouer avec. Une des choses qu'on fait au niveau de l'ordre ici, ben, évidemment, il y a des combats. Des combats qui sont des combats à contact plein, c'est-à-dire qui peuvent ressembler un peu au judo. Et lorsque les éducateurs se battent avec les enfants, et en plus se laissent gagner, c'est-à-dire perdre face aux enfants, des combats au sol, par exemple, etc., ben les enfants souvent viennent au cours d'ordem juste pourquoi? Parce qu'ils aiment le cours. Ils apprennent rien. Alors, il y en a qui sont tellement jeunes qu'ils apprennent rien. Ils sont pas là pour apprendre ce qu'on veut leur montrer. Ils sont là pour apprendre à vivre. Ben, ils apprennent. Mais ils apprennent pas comme on l'entend normalement. Alors, dans les garderies, c'est le même phénomène. Dans l'école élémentaire, c'est le même phénomène. Bon, un enfant arrive, c'est sa fête, l'instituteur, est-ce qu'il va le prendre, va lui donner un bec, va le mettre ça. Il y a une panoplie de choses qu'à un moment donné, on perd, parce qu'on a peur d'être des désaccès sexuels. Chose certaine, c'est que plus l'être humain transite vers l'homme nouveau, plus il va être capable d'aimer l'enfant comme d'aimer l'adulte, sans que ce soit sexuel, par des mécanismes, des voies de relation qui ont toujours été placées dans la relation sexuelle. Ça, c'est un peu compliqué. Là, le parent prend jamais son bain avec son enfant. Enfin, pas partout, mais c'est souvent comme ça. On n'osera pas se battre à un moment donné. Hein? La petite fille, elle a 8, 9, 10, 11, 12 ans. 12 ans. Elle s'est toujours battue avec son grand frère, son oncle ou son père. Ou avec son éducateur. Rendu à 12 ans, on va dire, là, c'est temps qu'arrête de se battre, parce que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est de la folie furieuse. Si on veut être sûr qu'à un moment donné, elle va devenir normale, pognée, faut qu'elle arrête. C'est pas sexuel. C'est une relation qui est affective et qui, pour l'enfant nouveau comme pour l'enfant ancien, devient non seulement un paramètre de sécurité, comme la discipline est importante pour l'enfant nouveau comme pour l'enfant ancien, c'est ce qui va les sécuriser face à l'adulte et au monde dans lequel ils vivent. Il y a une discipline, à un moment donné, qui est folle, mais il y a une discipline qui est nécessaire pareil. Hein? Une chose intelligente doit toujours être paramétrée par des disciplines. L'enfant ne le comprend pas, on lui explique. S'il ne comprend pas, il doit quand même, à un moment donné, le faire si c'est intelligent. Et je ne parle pas moralement intelligent, je parle intelligent. Hein? C'est une nuance. Bon. Alors donc, la relation avec l'enfant nouveau comme avec l'enfant ancien est extrêmement importante. Le contact physique est important parce que c'est ce qui permet d'apprivoiser quelque chose. On va flatter un chien, on va flatter un chat, on va flatter un renard, on va flatter le museau d'un cheval, on va lui donner 2-3 bouffes. Parfait. L'enfant ne lui donne pas de bouffe pour pas qu'il finisse par comprendre que l'alimentation est question d'émotion. Il faut qu'il sache que l'alimentation est question d'intelligence, de nutrition. Mais au niveau du contact, le reste, c'est intéressant. Une chose aussi qui est mauditement importante. Ne parlez pas. Essayez toujours de parler à un enfant en ayant les yeux à son niveau. C'est très important au niveau de relations affectives. On prend pas l'enfant pour l'asseoir à son bureau pour y parler. Imaginez-vous un corps arrière de football qui mesure 8 pieds, qui arrive devant vous, qui vous prend et qui vous met à son bureau pour vous parler. Bon, on va s'arranger pour se pencher, se baisser, se jouer. Maintenant, il y a une chose importante, c'est qu'on essaie de s'organiser pour être dans une position qui est le plus naturelle possible si on veut avoir nos yeux au niveau des yeux de l'enfant nouveau. Pour ne pas qu'il ait l'impression que tu joues le jeu. Alors, si tu t'assois sur une chaise pour y parler, tu es assis. Ben, c'est parfait, être assis. C'est normal, parce qu'on est les yeux égales. Si tu t'écrases la terre pour y parler, c'est correct. Si tu te penches pour y parler, l'enfant nouveau voit que tu manipules. Il va trouver que c'est le fun, mais il sait que tu manipules. Il va finir par comprendre, mais il y a toute une panoplie de petites choses, de nuances, à un moment donné, qu'il faut aller chercher, vous allez le découvrir, parce que si vous êtes suffisamment à l'écoute, ils vont vous le faire découvrir. Moins on est à l'écoute, plus on l'apprend, mais en souffrant. Alors, au niveau affectif, c'est très important. Toucher les enfants, c'est très important. Pas rien que toucher les mains, là, je parle. Toucher les enfants. Hein? À un moment donné, il y a une mère qui me disait qu'elle a un enfant qui est assez renfermé, qui est toujours dans sa chambre. Un enfant qui a, je pense, 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour, maintenant, elle veut avoir un contact avec? Ben, j'ai dit, c'est pas compliqué, ben. Puis, je demande, l'enfant, est-ce qu'il est souvent tannant? Elle dit oui. Est-ce que vous le chicanez souvent? Elle dit oui. Pas le choix. Je dis, parfait, continue à le chicaner. Prochaine fois, vous la voyez dans sa chambre. Puis là, vous la rentrez dans sa chambre, vous le mettez dans le lit, là, vous préparez, il donne une volée. 3-4 petites claques, pas fortes. Puis après ça, ben, commencez à le chatouiller. Puis, chatouillez en masse. Puis après ça, ben, vous allez finir par vous battre dans le lit avec. L'enfant va commencer par cesser d'attirer l'attention par ces phénomènes-là. Il y aura eu un contact physique qui va automatiquement amener une panoplie de relations avec l'adulte. Puis j'ai dit, je suis sûr que vous, en tant que parent, vous allez avoir de la misère à le chatouiller et à vous battre avec. Quand je parle vous battre, là, je parle pas de jouer aux cartes, là. Je parle d'une bataille dans le lit, là. Tu sais, là, vous êtes dans un par-dessus l'autre, là. Bon, il vous embarque ses seins, c'est pas grave, lui, il sait pas. Puis même s'il sait, c'est pas sexuel. On est tellement tabouisé par ce phénomène-là, là. On peut te contacter à un moment donné. Bon, tu joues avec. Quand il mérite une punition, puni. Ben, ça parle par punition, mais faut dire, mais il faut qu'il sache que ce qu'il a fait là est inintelligent, inécologique. Puis tout le reste, puis à un moment donné, faut pas exagérer avec. La relation est plus importante. L'exemple que je donnais à un moment donné, la conférence que j'ai donnée sur l'enfant nouveau, l'enfant, il commence et on lui donne un gâteau, c'est sa fête. Là, le gâteau est sur la table, l'enfant, il en prend un bout avec son doigt. Là. C'est normal. C'est sa fête. Là, on va lui dire, hey, tu peux pas attendre. Qu'est-ce qui est important? Qu'il paraisse bien ou qu'il soit heureux le jour de sa fête? Normalement, c'est qu'il paraisse bien. Mais chez un enfant nouveau, les prochaines fêtes, elle les passer souvent tout seul. Ils sont pas heureux. Gâteau, ben oui, tu manges, ouais, c'est correct, il finit, ça. Parce qu'il comprend que c'est un jeu, c'est un cadre. On doit faire comme si on était heureux, mais on ne doit pas l'être heureux. Parce que pour être heureux, il faut être naturel, faut pas être normal. Bon, une panoplie de petites choses comme ça, à un moment donné, qu'il faut aller chercher, puis on va aller chercher une relation affective avec un enfant qui est absolument impeccable. Et l'humain a besoin de cette relation pendant une grande partie de sa vie. Il est sevré maternellement, à un moment donné, il devra être sevré au niveau affectif aussi, c'est-à-dire qu'il devra être capable d'être heureux même s'il est tout seul, il devra être capable de vivre sans avoir besoin d'être aimé, puis sans avoir besoin d'aimer. Bon, ce sevrage-là apparaît normalement chez l'adulte ancien, sont entre 20 et sa mort, et certains ne le vivent jamais. L'enfant nouveau va avoir une tendance à le vivre, il pourra donc aimer les choses, mais il ne sera pas capable de souffrir d'aimer, ce que l'enfant ancien n'est pas capable de faire et l'homme nouveau non plus. La partie affective est importante quand même. L'enfant nouveau a-t-il toujours existé? Une autre question. Parlez-nous de la génétique de l'enfant nouveau. Bon. L'enfant nouveau tel qu'il est concevable aujourd'hui n'a jamais existé avant, disons, les 20 dernières années. Ou peut-être, à part évidemment quelques ectopicités, là, il y a des personnes qui sont nouvelles, soit parce qu'ils ont eu une mutation au cours de leur vie d'adulte, soit parce qu'effectivement, disons que ectopiquement, il y avait quelques enfants nouveaux qui commençaient à naître. Dans l'Antiquité, les enfants étaient, ont toujours été supérieurs à l'état d'adulte. Dans la majorité des cas, évidemment, il y a des exceptions, c'est sûr. L'enfant est supérieur génétiquement à l'état de, aux adultes. Donc, on peut presque dire que l'enfant, par rapport à l'adulte, était un enfant nouveau. Sauf que l'éducation, le milieu, a toujours été plus puissant que ce qu'il y avait de nouveau dans l'enfant, et ça l'a formé toujours des adultes anciens, qui ont continué par tradition, par répétition, par collectivisme, à former des adultes anciens à partir d'une substance qui aurait pu donner quelque chose de bien. Ça donne quelque chose de bien encore, mais quelque chose de mieux. Maintenant, à partir de 1975, surtout, on a une génétique qui maintenant apparaît et qui est de plus en plus nouvelle. Parlez-nous de la génétique de l'enfant nouveau. Je vais en parler brièvement dans d'autres conférences à un moment donné sur l'éducation et sur d'autres phénomènes. On va en parler. Il y a aussi les maladies qui sont typiques de l'enfant nouveau. On va parler de cette génétique peut-être plus d'une façon plus approfondie et à un moment donné, on verra s'il y a lieu de faire un travail plus profond sur ce phénomène-là. Parce qu'il faut avoir un peu de connaissances génétiques si on veut comprendre le phénomène de la génétique de l'enfant nouveau. La mutation génétique, elle existe. C'est connu, c'est su. La radioactivité peut altérer la génétique, la cigarette peut altérer la génétique, le stress peut altérer la génétique, et on sait très bien que on peut finir à un moment donné par améliorer le système génétique. Si on a une personne qui souffre de diabète, on a une autre personne qui souffre de diabète, s'ils ont des enfants ensemble, on a de fortes chances qu'on ait des phénomènes diabétiques. Si chaque fois qu'une personne diabétique engendre avec une personne qui ne l'est pas, on aura des enfants qui peuvent l'être, qui peuvent ne pas l'être, et si ces enfants-là engendrent avec d'autres qui ne le sont pas et avec d'autres qui ne le sont pas, finalement, on finit par éliminer le diabète de la surface de la Terre. Bon. Alors, je ne dis pas qu'on devrait nécessairement enfanter à partir de ce phénomène-là. Disons que l'humain enfante encore énormément à partir du phénomène émotif, mais ça le regarde. La génétique, elle peut donc être améliorée. C'est améliorable. Il y a un autre phénomène intéressant, c'est que la génétique peut... La mutation génétique peut apparaître du vivant d'un individu. Les animaux ont cette adaptation génétique, l'évolution darwinienne. L'être humain a encore un peu cette relation darwinienne au niveau de son plan évolutif, mais il vit évidemment surtout d'une évolution améliorative. L'être humain peut reprogrammer son cerveau. Alors, évidemment, disons que la science médicale, la neurochirurgie ou encore la neurologie tout court, sait ce que je dis est vrai, même si elle n'en connaît pas encore tous les fondements. Pour ceux qui n'ont pas encore cette idée, on n'a qu'à faire référence à une personne qui a un accident cérébrovasculaire, donc une thrombose cérébrale, par exemple, et qui a une partie de son cerveau qui va être altérée ou détruite, et elle aura une paralysie de la partie opposée. Par travail de physiothérapie, on peut finir par forcer le cerveau à restructurer de nouvelles connexions qui vont permettre à la partie, disons, cartésienne de pouvoir relocaliser le contrôle nerveux et musculaire des membres pour finir par ramener l'individu. Ça demande énormément d'énergie parce que pour restructurer un cerveau, ça demande une force vitale assez exceptionnelle. Et cette force vitale, normalement, manque chez l'individu après la puberté. Cette force vitale va être transmuée en caractère de procréation, donc va engendrer le phénomène de la sexualité. C'est pourquoi aussi, on va dire souvent que quelqu'un qui a des cellules qui meurent, ces cellules ne sont pas remplacées. C'est faux, elles sont remplacées. À une vitesse tellement lente que le tissu cicatriciel du corps, ayant lui besoin de moins d'énergie vitale parce que sa structure atomique, disons génétique, biologique, n'est pas la même, est d'une structure beaucoup plus simple, le tissu cicatriciel va se reprocréer, va donc remplacer la perte neuronique plus rapidement que le tissu neuronique. Alors, ce qui fait que normalement, même si les neurones ont tendance à se refaire, le tissu cicatriciel prend la place. Ça peut créer des épilepsies, post-traumatiques ou des choses comme ça. La génétique de l'enfant, c'est que son système neuronique, son système donc cérébral, son cerveau n'est pas le même qu'un cerveau conventionnel. Il y a beaucoup plus de neurones qui vont faire synapses, qui auront des connexions par des chemins beaucoup plus courts que le cerveau d'un homme normal. C'est-à-dire que normalement, pour penser, on peut envoyer une impulsion neuronique qui va faire un détour assez long au niveau du cerveau avant d'arriver à un centre moteur, par exemple, ou un centre sensitif au niveau de la perception. Chez l'enfant nouveau, lui, c'est que le neurone va avoir certaines connexions, disons, axoniques, enfin, des connexions électriques, qui peuvent être beaucoup plus courtes. Ce qui fait qu'il va réfléchir beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi un autre phénomène au niveau des neurones, un phénomène au niveau du système myélinique. Enfin, il y a toute une panoplie de choses qui fait que le cerveau de l'enfant nouveau est différent. Et il y a autre chose, il aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 fois plus de cellules gliales dans son cerveau que va en contenir normalement l'humain normal. Il y a quelques années, on a disséqué le cerveau d'Albert Einstein pour voir quelle était son anomalie. Et la seule chose qu'on a pu constater, évidemment, la neurochirurgie ne peut pas encore savoir si la programmation d'un cerveau est différente d'un autre. Il avait une dizaine de fois plus de cellules gliales, c'est tout. Et ces cellules gliales, parce qu'on pense qu'on a juste des neurones dans la tête, on a beaucoup d'autres choses. Ces cellules gliales, présentement, la science, la médecine ne sait pas trop à quoi elles servent. Bon, ça sert à une panoplie de choses, et ça sert surtout à nettoyer le cerveau et à permettre la reprogrammation axonique, donc à remettre une reprogrammation au niveau du cerveau. Ce que j'appelle aussi une mutation, qui, mutation neuronique, engendre mutation psychologique. Le fait que le cerveau change, le système endocrinien de l'enfant nouveau sera aussi manipulé différemment. Le système endocrinien est la voie par laquelle tout le phénomène psychologique va être exprimé. Vous avez peur, votre cœur accélère, vous allez rougir, il va se passer une panoplie de choses qui sont typiques d'une expression hormonale ou encore sympathique ou parasympathique qui sont des phénomènes de stimuli similaires au phénomène hormonal. L'enfant nouveau a un corps qui va réagir différemment aux stimuli. Ce qui va lui permettre d'être beaucoup moins charriable au niveau émotif, lui permettant d'être beaucoup plus lucide au niveau mental, ce qui fait que même s'il a des émotions, il ne sera pas perturbé dans sa conscience, dans sa tête, par ses émotions. Ce que l'enfant ancien, lui, va être perturbé. Alors disons que génétiquement, c'est un petit contour. Un jour, on pourra en parler. Je vais faire des conférences relativement prochainement à l'université, de toute façon, pour parler de ce genre de choses. Et alors, à un moment donné, on pourra aussi le refaire en conférence spéciale, en conférence spécifique sur l'enfant nouveau. Pour l'instant, je crois que ça répond. L'enfant nouveau se rencontre-t-il seulement dans la race blanche? Bon. Il y a une chose intéressante, c'est qu'on parle souvent au niveau ésotérique et même au niveau théologique, de temps en temps au niveau scientifique, de certaines races ou de peuples. Ben, le peuple de Dieu. Alors, les autres sont exclus. Ça, c'est la race théologique. Ésotériquement, on va voir la race blanche, qui est présentement la race mère. On s'en va vers une race bleue. On en a déjà entendu un peu parler de temps en temps. On va lire la Bhagavad Gita et on voit que les personnages sont bleus ou violets, faisant référence à l'antique race violette qui, selon l'ésotérique, se serait mélangée à la race adamique, à la race de l'homme, pardon, pour créer ce qu'on a fait, Adam et Ève, au niveau de la religion catholique, biblique. Il y a des races, effectivement, au niveau, disons, anthropologique. Il y a des humanités, il y a des humains, il y a des races qui ne peuvent pas vouloir, qui ne peuvent pas atteindre un niveau particulier de l'intelligence ou de l'intellectuance humaine. Maintenant, ces races ne sont pas cutanées. Ce sont des races neuroniques. Et non pas, je répète, cutanées. Ce ne sont pas des races cutanées. Évidemment, l'humain, même dans l'ésotérisme ou dans la théologie, a souvent pensé que c'était des races cutanées. Lorsqu'on parle de la race blanche, lorsqu'on parle de la race jaune, de la race rouge, de la race noire et de la race reblanche, encore la race indo-européenne, celle qu'Adolf Hitler a voulu remettre sur la surface de la Terre, la race aryenne. Et on parle d'une prochaine race bleue. On parle on met des couleurs parce qu'à un moment donné, il faut que l'humain arrive à se comprendre. L'humain spirituel a besoin quand même de certaines choses qui ne sont pas nécessairement cartésiennes. L'enfant nouveau se rencontre-t-il seulement dans la race blanche? L'enfant nouveau fait référence à une race neuronique. Pour ceux que ça peut intéresser, on a ici au centre de l'universalité certains cours qui sont donnés, en l'occurrence le programme Maître Contrôleur, qui est axé sur l'idée que l'homme doit être son seul maître, c'est-à-dire que c'est lui qui doit régir ce qui va se passer en dedans. Et on a donc, on a même à l'intérieur de ce programme Maître Contrôleur, un des professeurs qui enseigne au plus haut niveau et qui est un haïtien. Donc, effectivement, l'enfant nouveau va naître un peu partout sur la planète, mais il sera en densité plus massive au Québec pour des raisons sur lesquelles, à un moment donné, on pourrait revenir, qui a rapport effectivement à la génétique, qui a rapport aussi au système alimentaire, à ce qui va, à un moment donné, constituer les corps, parce qu'évidemment, le corps dépend de ce qui le constitue. Et donc, l'enfant nouveau va naître à travers n'importe quelle race, en majorité au Québec, et ça n'a rien à voir avec la couleur cutanée. L'enfant nouveau qui se suicide parce qu'il ne peut s'adapter à l'environnement, pourquoi ne se passerait-il pas une autre chose plutôt que de se détruire? Parce que dans la tête de l'homme ancien, la mort est une fin. Dans la tête de l'enfant nouveau, la vie est aussi une fin. Alors, vivre ou mourir, c'est le même phénomène. Tant qu'à perdre son temps, d'un bord ou de l'autre, Tu sais comment qu'elle est la vie, elle te convient pas. Tu sais pas comment qu'elle est la mort, on va aller voir. L'enfant nouveau n'a pas peur du neuf. L'homme ancien a peur du neuf. Il vit dans son système mémoriel. Alors, un homme ancien avec une femme ancienne qui s'haïssent, qui chicanent, qui sont mariés, vont refuser le divorce. Mais pourquoi le divorce, c'est une vie neuve? Ils vont préférer les souffrances connues que de risquer un bonheur neuf. L'enfant nouveau, comme l'homme nouveau, mais parlons de l'enfant, l'enfant nouveau, lui, non. Absolument pas. Le neuf ne le lui fait pas peur. Ça le fait même vivre. Alors, mourir pour aller voir du neuf, pour lui, c'est vivre. Donc, l'enfant nouveau se suicide. Pourquoi? On peut faire comprendre à l'enfant nouveau l'intelligence écologique d'être dans un corps biologique et de vivre sur un plan planétaire. La raison la plus primaire à amener, c'est que tu sais pas ce qu'il y a l'autre bord, puis au moins tu sais ce qu'il y a ici. Puis tant qu'à être ici, ben commence par voir si t'auras pas un moyen de savoir pourquoi t'es ici. C'est pas spirituel. Ça peut l'être. Mais il faudra à un moment donné que la pédagogie passe par la vie. Hein? Il faudra qu'on parle de la vie, qu'on parle de la mort, qu'on parle de ces choses-là, à un moment donné. Pourquoi l'enfant suicide? C'est que l'enfant voit juste assez, puis juste pas assez. À un moment donné, il y en a assez. Il voit qu'il est manipulé, il voit qu'il peut manipuler, il voit aussi qu'il ne peut pas s'en sortir pour l'instant, il ne comprend pas l'intelligence du phénomène manipulatif, il ne comprend pas l'intelligence du carcan social, il ne comprend pas ceci, cela, il pose des questions, on lui répond toujours que c'est parce que c'est comme ça, bon, hein, puis c'est pas lui qui va tout changer, bon, on le médiocrise. Apparemment, mais ça ne fonctionne pas chez lui. Alors, à un moment donné, l'enfant nouveau finit par avoir une souffrance mentale que, normalement, l'enfant ancien ne connaît pas. L'enfant ancien connaît des souffrances émotives. Mais il aura suffisamment peur de la mort qu'il va préférer les vivre. Se droguer, prendre de la musique, boire ou des choses comme ça. Bon, mais l'enfant nouveau va vivre une souffrance mentale à un moment donné. Et cette souffrance mentale va apparaître, l'homme nouveau aussi, la personne transitive va vivre le même phénomène, où elle comprend juste assez puis juste pas assez. Alors, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a une manipulation. Tu te lèves un matin, il pleut, t'es en beau maudit. La température est ton maître. Bon, tu vas aller faire du ski, tu viens pour aller sur une pente, c'est fermé, il y a une grève. Tu te mets encore à chioler. Les conditions extérieures sont encore ton maître. Bon, l'enfant transitif, l'enfant nouveau, comme l'homme transitif ou nouveau, va finir par découvrir à un moment donné qu'effectivement, il est manipulé tout le temps. Bon, à quoi ça vaut d'abord de vivre si tout le temps, toute fois que tu penses faire quelque chose, tu te fais avoir? Il y a une intelligence à ça et il y a un phénomène qui est une conséquentialité. La théologie appelle ça le karma, là. Bon, il y a une mécanicité conséquentielle, sa planète. Et ça, dans la société, on le vit aussi. Et l'enfant nouveau doit l'apprendre. Tu t'en vas sur la rue de l'autoroute, tu t'en vas voir un film, tu vas être juste à l'heure, c'est le fun à mort, il y a un accident et puis il y a un embouteillage. Mais ça, c'est un cadre écologique. Tu dépends de l'écologie, de l'écosystème. Alors, si l'enfant nouveau découvre qu'il est manipulé par toute cette chose-là et qu'il ne voit pas qu'il pourrait, à un moment donné, légiférer ces choses-là et arriver à contourner, ben si on ne l'instruit pas suffisamment rapidement de ces choses-là, de plus ça va aller, plus il y aura d'enfants qui vont se suicider. Et leur dire, non, la vie vaut la peine d'être vécue, ça pogne pas pour un enfant nouveau. Il n'aura pas peur de mourir. Assez qu'à un moment donné, il va aussi même tuer. Et ça, c'est extrêmement, disons, bien plate d'en parler, mais il faut qu'on en parle, ça fait partie des choses. Un enfant de 7 ans a tué son chum de 6 ans parce qu'il croisait sa blonde de 5 ans. On a déjà vu ça à l'école. Mais c'est ça. Et il voit ça des vues. Bon, si ça marche, c'est une solution. Il le fait. Mais c'est pas nécessairement une solution intelligente. Mais lui, il le fait pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juste, il manque juste ce qu'il faut pour comprendre que ce qu'il comprend n'est pas la fin du monde. Vous savez très bien que plus vous apprenez des choses, plus ça devient souffrant. Mais pour l'enfant, c'est pareil. Sauf que l'enfant n'ayant pas peur de la mort, comme l'homme ancien a peur de la mort, à un moment donné, il y a un choix à faire, puis il choisit. Il faut donc paramétrer suffisamment l'enfant pour qu'il ne se suicide pas. Et ça va être un problème assez majeur à un moment donné au niveau de notre système scolaire. Pour que des enfants nouveaux se suicident, est-ce dû à une réincarnation trop rapide dans un monde qui est ancien? La réponse, réincarnation ou non, non, ce n'est pas ça. L'enfant nouveau se suicide pour la simple raison que la souffrance mentale qui l'habite, le fait de savoir des choses, de comprendre des choses sans comprendre leur finalité. Et lorsqu'il vit dans un monde où apparemment on lui interdit de comprendre la finalité, ben évidemment ça devient assez souffrant chez lui, que cette souffrance va l'axer vers quelque chose d'autre, vers une solution, ce qui est aussi le phénomène de l'homme ancien. Sauf que lui, pour lui, la mort, ce n'est pas épeurant. Il y a une chose intéressante avec, il faut que vous compreniez, et je vous en parle tout de suite. Ça avait déjà assisté à des conférences où c'était relativement plate. Et on pouvait, à un moment donné, finir par s'endormir. Lorsque je fais des conférences, c'est suffisamment animé. On ne peut pas dormir. Sauf que l'enfant nouveau va découvrir cette mécanicité aussi. La psychologie, la science commence à le découvrir. C'est que l'être humain fonctionne aussi de façon énergétique. Et lorsque on a une forte dose d'énergie et qu'on n'en est pas habitué, on peut égoïquement mettre des barrières et on s'endort. On somnole. Des personnes qui, après les conférences que je fais, sont saoules, ont de misère à marcher. Il y en a évidemment qui dorment tout le long de la conférence, puis il y en a même qui reviennent régulièrement. Je dis ceci pour vous demander tout à l'heure de réveiller ceux qui dorment à côté de vous. C'est important, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils comprennent les choses. Bon. Il y a des enfants, des parents qui amènent des enfants de temps en temps aux conférences régulières, et ces enfants-là dorment tout le long de la conférence. Et ils veulent revenir tous les vendredis. Donc, en partant, c'est pas qu'ils dorment. Énergétiquement, il se passe des choses. Alors, je vous le dis pareil, parce que c'est une chose qu'il va falloir commencer à travailler. Lorsqu'un enfant nouveau vous regarde dans les deux yeux, puis que vous vous sentez toutes défaites, toutes démantibulées, c'est qu'énergétiquement, il y a des choses qui se passent. Bon, ce n'est pas pédagogiquement encore enseigné, peut-être. Peut-être que certains comprennent ce que je veux dire, d'autres non. Mais une chose qui est certaine, c'est que pourquoi qu'une photo de yeux ne vous fait rien, puis qu'une personne qui vous regarde vous fait quelque chose? Il y a quelque chose. Puis un enfant nouveau, il va vous transpercer s'il décide de fouiller. Alors, je vous mets au courant quand même, parce que lorsque je fais des conférences, ce que je dis au niveau oral est intéressant, mais ce qui se passe au niveau énergétique il peut être suffisamment plus puissant. Et il y a des personnes qui vont carrément dormir, des personnes peuvent être saoules, des personnes qui vont, etc., etc. Ça arrive souvent quand il n'y a pas beaucoup de gens. Là, je fais une conférence qui peut être énergétique quand même, je m'ajuste. Et je vais faire une conférence suffisamment énergétique, et puis la conférence est finie, je vais m'en aller. Puis la majorité reste encore assis là. Faut pas de bouger. Alors, je mets au courant quand même. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est une chose. Et regardez une chose. Chaque fois qu'à un moment donné, un adulte, parce que vous savez, vous avez de l'énergie, vous aussi. On peut appeler ça magnétisme, on peut appeler ça ce que vous voudrez, mais c'est calculable. Les ondes alpha que le cerveau dégage, c'est une forme d'énergie. Hein? Elle est mesurable par les appareils biologiques. Par les appareils mécaniques, pardon. Par contre, il y a aussi d'autres énergies que l'être humain émet, que l'être humain mesure. Mais il n'arrive pas à le décoder. On parle à un enfant ancien, puis on n'a juste pas l'énergie qu'il faut, juste pas le ton qu'il faut. Ben, la voix, c'est du verbe. Il y a l'énergie là-dedans. On peut le barrer. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple. C'est des étoiles. Ben, énergétiquement, il a compris le message. Mais c'est un message que votre ego transmet. Et à un moment donné, on va vouloir... Oui, mais il faut que tu comprennes. Là. Regarde, reste assis là, tu vas comprendre. Mais énergétiquement, on l'omnubile tellement à l'enfant qu'il n'y a rien à faire, rien. Ben, c'est ça. La question énergétique est extrêmement importante au niveau pédagogique. Je vous en parle là pour que vous réveillez ceux qui dorment à côté de vous. Mais au niveau de l'éducation, à un moment donné, il faudra faire attention aussi à ça. L'enfant, là, tu vois, là, qu'il n'arrive pas à comprendre. Non, il va rester là tant qu'il n'aura pas compris. Hein, souvent, au niveau pédagogique, on se sert de ce genre de choses. Mais non, l'enfant, faut que tu lui fasses prendre une douche, faut que tu joues avec, faut que tu l'envoies promener, faut qu'il regarde Manic, je sais pas. Mais faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Parce qu'à un moment donné, le contact énergétiquement entre le pédagogue et l'enfant n'est tellement plus ajusté que l'enfant finit par être omnibulé ou extrêmement irrité. Faut couper le contact. Faut arrêter tout. Arrêter tout. On recommencera après. Alors, je vous parle de ce phénomène-là, c'est intéressant pour l'instant aussi. L'enfant ayant besoin d'un cadre et d'une discipline pour son évolution, est-il bon qu'il appelle ses parents par leur prénom? Il me semble que ceci enlève un peu d'autorité qu'il nous reste sur eux, alors que s'ils nous appellent papa et maman, cela nous donne un meilleur contrôle, au moins jusqu'à un certain âge. Je serais d'accord qu'il nomme ses parents par leur prénom à un âge plus avancé. Bon, ça, c'est très intéressant comme question. La majorité des adultes se font appeler monsieur, madame, papa, maman, etc., etc., par les enfants, pour la simple raison qu'ils ont peur, justement, de perdre le peu de contrôle qu'ils ont sur eux. L'enfant nouveau n'étant pas un être collectif, tout ce qui est collectif, il lui pue au nez. Première chose, appelez toujours un enfant par son prénom et ne jamais lui donner de surnom. Deuxième chose, tout faire pour que l'enfant nous appelle par notre prénom. Nous autres, c'est monsieur, puis lui, c'est son prénom. Tout le monde l'appelle monsieur ou madame, puis l'autre, c'est son prénom ou papa ou maman. Mon oncle, ma tante, ou oncle ou tante. Ça fait simplement quoi? Ça fait que vous le médiocrisez. La relation entre un enfant nouveau et un adulte qui est trop orgueilleux pour se faire appeler par son prénom, ou qui trouve son prénom trop laid parce qu'il puis il emporte un autre, ben, à un moment donné, il faut qu'il comprenne la raison. C'est quoi la raison intelligente? L'enfant, on va avoir une relation affective, une relation intelligente, une relation mentale, une relation, ce que vous voudrez avec lui, mais évidemment, il faut se placer sur des paramètres qui vont être accessibles à lui. Moi, mon nom, c'est Daniel. Et les enfants à qui je travaille m'appellent Daniel, ainsi que les adultes d'ailleurs. Et lorsque je travaille avec quelqu'un, je l'appelle par son prénom. Lorsque je travaille avec les enfants, et il y a une chose qui est très importante, ce n'est pas parce qu'on prend le prénom qu'on ne doit plus se respecter. Alors donc, on éduque l'enfant. Moi, je vais vous appeler par vos prénoms, puis je vais vous respecter aussi. T'sais, fait qu'à un moment donné, tu dis pas chose, c'est quoi ton nom, là? Bon, t'sais, fendez-vous le derrière, placez-le à la même place, c'est bien, écrivez vos noms, les noms sur un papier, mais arrangez-vous pour connaître leur prénom. Et c'est extrêmement important que, du moment que l'enfant commence à prononcer le nom, que le premier mot qu'il dit, ce soit pas papa, mais que ce soit Claude, ou que ce soit Pierre, ou que ce soit pas maman, mais que ce soit Lise, ou Isabelle, ou quelque chose comme ça. Bon. C'est extrêmement plaisant pour le parent de se faire appeler par ces choses-là, parce qu'il se sent comme tout le monde, il se sent, bon, privilégié, et ça, c'est le collectivisme. Le prénom, il sert à quelque chose. Et on doit travailler avec les prénoms. Essayez-le, vous allez voir qu'il y a une nuance qui va se faire. J'ai une fille de 10 ans qui adore regarder des films d'horreur. Elle m'en demande tout le temps alors que sa sœur de 15 ans, elle, ne peut les supporter. Quel est ce phénomène et dois-je lui empêcher de regarder ses films? Bon, moi je ne suis pas... la personne qui va carrément dire à une personne ce qu'elle doit faire au niveau pédagogique. Je pense que vous devez faire vos expériences aussi et apprendre ces choses-là. Lorsqu'on donne une solution une fois, ben, quand il y a un autre problème, il faut venir me voir, hein. Alors, c'est là, fait que quand vous arrivez à trouver vous-même une solution, ben, quand il y a plein de problèmes, vous continuez à travailler. Fait que c'est mieux comme ça. Bon. On appelle ça la pédagogie aussi. Bon. Alors, donc, je vous dirai pas ce qu'il faut faire avec votre fille. 15 ans, 10 ans, l'une des deux peut être ancienne, l'autre peut être transitive, peut même être nouvelle. Les deux peuvent être nouvelles, les deux peuvent être anciennes. D'accord? Faut commencer par vérifier. Alors, on ne peut pas comparer celle de 10 ans à celle de 15 ans. En partant, c'est deux choses différentes. Est-ce que, bon, les films d'horreur, c'est assez intéressant. Lorsque l'homme, votre fille de 10 ans peut être nouvelle. Maintenant, peut-être que non. Peut être transitive aussi. Lorsque l'enfant nouveau ne voit plus de stimulation intéressante dans la vie, l'enfant aussi peut faire la même chose aussi, il va se diriger vers quelque chose. Alors, faut regarder. Est-ce qu'elle voit, regarde les vues, elle en a peur? Si elle en a peur, c'est sans doute une personne transitive ou ancienne. Si elle regarde les vues et elle aime ça, c'est sans doute une personne nouvelle, qui s'amuse de voir de quelle façon l'être humain s'illusionne de se faire peur, puis qui regarde et qui analyse toute une phénoménologie psychologique de tout ce qui apparemment fait peur, puis parce que les acteurs dans les vues réagissent comme le monde dans la vie, alors peut-être qu'elle s'amuse simplement à étudier le monde. Par ces films d'horreur. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en donner régulièrement? Mais à un moment donné, il faudra s'arranger pour la diriger sur d'autres choses. La diriger sur d'autres choses, comment? C'est-à-dire qu'on doit l'apprivoiser. On doit lui faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités. Pas avec un cours de morale. Là, ça marche pas, là. Un cours d'intelligence. On doit, et ça prend le temps que ça prend, on doit faire en sorte qu'elle comprenne l'intelligence de fouiller ailleurs. Parce que le film d'horreur, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, c'est sûr que si elle ne fait que du film d'horreur, sa programmation mémorielle ne va être constituée que de ce genre de choses. La journée qu'elle va vouloir se venger de vous autres, elle aura suffisamment de programmes pour le faire. Alors, c'est préférable qu'elle voit d'autres choses à un moment donné pour qu'elle se venge plus doucement. Bon, si elle aurait à se venger. Parce que, évidemment, les enfants apprennent des trucs que là. Alors donc, c'est à vous de voir de quel axe on doit l'envoyer, mais une chose qui est certaine, c'est sûr que les films d'horreur, pédagogiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle peut s'en servir pour certaines choses, donc il suffira de savoir pourquoi elle a besoin de ces films et de, lentement, lui donner d'autres possibilités. Pas l'obliger, lui donner d'autres choix. Et ça, c'est un travail qui peut être un travail de moyenne haleine, mais c'est un travail qu'il faut faire. La pédagogie, c'est toujours un travail de longue haleine, mais disons qu'une petite transformation comme ça, ça peut être moyenne haleine. Les pédagogues, souvent, veulent une réaction tout de suite, immédiate. Ça ne marche pas comme ça. Que pensez-vous des écoles pour enfants surdoués? Ne croyez-vous pas que le fait d'envoyer un enfant dans une école peut nuire à son évolution psychologique par le fait qu'il pourrait se sentir différent des autres enfants et commencer à souffrir d'un certain snobisme? Bon. L'enfant ancien peut être surdoué. L'enfant nouveau, jamais. L'enfant ancien va souffrir de se sentir séparé des autres. L'enfant nouveau, non, il est déjà séparé. Il est individuel. L'enfant ancien dans une école de surdoués, on va essayer de développer, disons, ce qu'il y a de surdoué et on va travailler le reste. Ce n'est pas mauvais pour un enfant. Évidemment, faudrait, même s'il est surdoué, l'enfant surdoué est un enfant ancien, donc il faudrait quand même lui expliquer l'intelligence de le placer ailleurs. Évidemment, veut pas, il va finir par se faire un snobisme de son évolution, un orgueil d'être surdoué, un orgueil d'être à part, etc. Maintenant, ce n'est pas mauvais parce que c'est peut-être la seule façon chez l'enfant ancien qu'il a, lui, pour arriver à accepter sa condition de différent. T'sais, si un enfant est anormal, ben, ou il faudra qu'il soit content, donc souvent snob, orgueilleux d'être anormal, donc supérieur, sinon on va être bien malheureux. Alors, au niveau de l'enfant ancien, c'est des choses qui sont presque essentielles. L'enfant nouveau n'est jamais surdoué pour la simple raison que l'enfant nouveau va réussir autant que n'importe quel surdoué dans tout ce qu'il va aimer. Alors, l'enfant nouveau, ce n'est pas un génie. L'enfant nouveau, c'est un être naturel qui, s'il s'intéresse à l'informatique, sera surdoué en informatique. Si, à un moment donné, il aime son professeur de français, il sera surdoué en français. Si, à un moment donné, il aime telle chose, il sera surdoué en telle chose. Il va aussi, il a l'intelligence d'apprendre une langue, il va l'apprendre très rapidement. Tant qu'il ne verra pas l'intelligence, il va passer 15 ans à vouloir montrer l'anglais ou le français ou n'importe quoi, il ne l'apprendra pas. C'est très pénible. Puis la journée qu'il décide qu'il veut l'apprendre, il va l'apprendre. Il va donc paraître surdoué. Donc l'enfant nouveau ne peut pas être catalogué comme surdoué. Un enfant nouveau qui s'intéresse à l'informatique, devons-nous le brancher dans une école spécialisée là-dedans? Il faut faire bien attention. Parce que l'enfant nouveau, lui, s'intéresse à l'informatique. La meilleure chose, c'est de lui acheter un ordinateur à la maison. Lui acheter des livres, c'est un autodidacte parfait. L'enfant nouveau, s'il s'intéresse à la géographie, à la géométrie, à ceci ou à cela, on s'arrange pour lui donner des cadres, mais il n'a pas nécessairement besoin de cours. C'est un autodidacte parfait. Alors donc, si on place l'enfant nouveau dans une école d'enfants nouveaux, mettons qu'à un moment donné, on aurait suffisamment de pédagogues et de personnes pour pouvoir discerner, ben l'enfant nouveau, lui, ça ne le dérange pas d'être placé dans n'importe quel genre de cadre, à l'exclusive condition que le cadre dans lequel on le place est un cadre qui satisfait ce qu'il veut faire. Être différent des autres, ça, c'est normal pour lui. Ça ne le dérangera pas. C'est évident que si on le programme, parce que évidemment la majorité des enfants nouveaux sont présentement pédagogisés de façon à redevenir des enfants normaux, donc à être des enfants anciens. C'est sûr qu'un enfant nouveau de 12 ans peut être suffisamment altéré qu'il voudra aussi être normal. La petite fille nouvelle qui commence à avoir une pousse pubertaire, donc les seins commencent à sortir, ben elle a besoin de savoir si tout le monde vit ça. Si on lui dit, ben oui, c'est normal. Est heureuse. La petite fille nouvelle, elle, qui a besoin, qui veut savoir si c'est normal, si c'est 5 pouces, elle voudra simplement savoir plutôt si c'est naturel. Elle a 8 ans à sa sœur. On va dire oui, mais parce que normalement, c'est 12 ans. La fille ancienne, elle, risque d'en souffrir. Elle, elle veut pas être elle, elle veut être normale. Alors évidemment, si on altère suffisamment un enfant nouveau en voulant le rendre normal, ben, il y a des chances qu'ils souffrent des mêmes caractères psychologiques et évolutifs de l'enfant ancien. Donc, au niveau des surdoués, il faut faire attention. Bien souvent, on va prendre des enfants nouveaux et on va les placer dans des écoles de surdoués et on détruit l'enfant nouveau. Bon. L'enfant qui sans cesse attire l'attention dans un groupe est souvent gagnant puisque l'éducateur ne peut vraiment agir de façon individuelle quant à leur éducation, c'est-à-dire ne pas s'en préoccuper. Donc, nuire au reste... OK, je t'arrête tout de suite. Le reste de la question, je la connais. Un enfant qui attire énormément l'attention, il y a une solution. Donnez-lui un poste. C'est la solution clé. Faites-vous-en un allié. Car c'est la solution clé. Qu'il soit ancien, transitif ou nouveau. Qu'il soit bombe, qu'il soit ce que vous voudrez, parce qu'un enfant nouveau peut être le pire des bombes, peut être le plus beau des enfants, peut être n'importe quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il exprime. C'est l'intelligence avec laquelle il l'exprime qui dénote la nuance. Alors, un enfant extrêmement turbulent qui demande toujours de l'attention, le professeur est toujours rendu sur son dos, faites-en un allié. Je donnais des exemples à un moment donné dans des conférences antérieures. En revenant sur le phénomène savoir éduquer un enfant nouveau, ben là, on va donner des exemples clairs. Là, on va arriver avec des points, puis on pourra travailler sur certaines choses. Et il y aura sans doute des suites au phénomène de l'éducation de l'enfant, parce que ça ne se passe pas en une heure. Alors, en faire un allié, c'est quoi? Ça veut simplement dire, bon, l'un des trucs, évidemment, les plus connus, l'enfant le plus tenant, ben quand le professeur s'absente, ben lui demande à l'enfant de vérifier la classe, de surveiller la classe. Bien, en partant, il y a des chances que ça fonctionne. Si l'enfant est un enfant nouveau ou suffisamment transitif, même un enfant ancien, si on lui explique les choses, puis qu'on lui dit qu'on a besoin d'aide, puis c'est celui-là qu'on va aller chercher, même si, orgueilleusement parlant, ça prend, chose certaine, c'est que là, on l'a entre les mains en tant que pédagogue et on ne le limite pas dans son leadership. Donc, on ne va pas l'omnibuler. Vous savez, des adultes qui sont capables de foncer, on va en avoir besoin, puis on en a encore besoin. Lorsqu'un enfant agit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui tend à grimper. Puis normalement, ça nuit, fait qu'on tape dedans. Mais non, faites-en un allié. Moi, j'étais absolument irréprochablement fou à l'école. Et j'ai même réussi, avec un de mes amis à un moment donné, à instruire un professeur qui devrait nous laisser donner le cours. Son cours était trop plate. Et puis le prof a fini par essayer. Puis effectivement, on avait un cours où ce qu'on était en bas à la cafétéria, ça c'est en secondaire 3, où on préparait le cours du lendemain. Puis le cours du lendemain, on le donnait, le prof était là. Puis ça n'a pas été long, évidemment, que c'est lui qui nous a eu. Mais nous, on l'a eu aussi. Alors nous, on avait de la biologie, alors on avait des notes impeccables, le prof, c'est le bonheur parfait, les élèves, ben les élèves aimaient ça, alors, il y a toute une panoplie de choses qui s'est passée. Évidemment, c'était pas pédagogique à l'époque, c'est sûr que si quelqu'un serait passé pour vérifier comment elle enseignait, puis serait rendu compte que le prof, ses élèves, souvent qui donnaient le cours, ben ça créait des problèmes. Et mais ce qui va arriver souvent, c'est qu'on normalise. Alors on va aller chercher tous les élèves, on voudrait, bon, que tous les élèves le fassent, si ça marche. Tous les élèves qui vont le faire. Alors on donne des postes. Un élève peut vous aider à corriger des devoirs. Un élève dans une garderie peut faire telle chose. Vous savez, là, je donne des exemples comme ça. Mais soyez suffisamment vivants pour comprendre l'idée de base. Donnez un poste. Faites-en un allié. Et vous réglez le problème. Comment arriver à ne pas se vider d'énergie avec les enfants? Oui. Comment ne pas se faire têter? Première réponse, têter l'enfant. Pourquoi les personnes âgées adorent les enfants? Pourquoi il faut absolument qu'ils touffent? Parce qu'ils ont besoin d'une énergie. L'énergie vitale que je vous parlais tout à l'heure, là, qui peut-être est encore bien, bien théorique pour bien des gens. On a des appareils électriques maintenant qui la détectent, les acupuncteurs s'en servent. On a des appareils médicaux aussi qui commencent à la détecter. Et il y a des choses qui se passent. L'enfant tête de l'énergie, donc épuise biologiquement, épuise physiquement. Il y a moyen de téter. Contact physique, oui, il y a moyen de téter l'enfant. L'enfant, il y en a en masse, il en gaspille en masse, il n'y a pas de problème, donc on ne l'épuisera pas lui. Alors, première chose, créer un échange d'énergie. Et deuxième chose, s'arranger pour que l'enfant écologiquement comprenne certaines choses. Quand je dis de donner des postes, des fonctions, c'est toujours ça un peu qu'on doit créer. Lorsque le pédagogue doit être le centre, le foyer central d'attraction de tout l'ensemble d'une classe ou d'une garderie, il risque fortement de se faire sucer en énergie. Sauf si les enfants participent à son travail. Participer à son travail, encore une fois, donner des postes. Participer à son travail, ça dépend de l'âge, ça dépend de ceci, ça dépend de cela. Bon, on pourrait revenir à un moment donné, mais ce serait intéressant aussi que le pédagogue fasse l'effort de s'adapter, de comprendre, de s'ajuster. Ça épuise, mais moi, travailler avec les enfants, ça ne m'épuise pas pour la simple raison que je suis capable, si je joue avec, si je me bats avec eux, de prendre suffisamment d'énergie pendant qu'eux aussi en prennent, et je suis suffisamment correct. Une chose importante avec un enfant nouveau, si vous faites une promesse, tenez-la la promesse. Hein? Puis une promesse pour un enfant nouveau, c'est pas quand vous dites « je promets », c'est quand vous ouvrez la bouche. Bon. Alors moi, je suis suffisamment conséquentiel pour que ce que je dis, je m'arrange pour le faire. Et à un moment donné, je leur explique des choses. Là, c'est fini. Bon, là, l'enfant veut continuer parce qu'il a peur, évidemment, quand ils me connaissent, c'est fini après, il n'y a plus de problème. Quand ils me connaissent pas trop, ben là, évidemment, ils profitent de l'aubaine. Alors, c'est plus tough de leur dire que c'est fini. Faut les amadouer lentement. Alors, pour ne pas se faire sucer l'énergie, il faut donc créer une structure au niveau de la classe, une structure au niveau de la garderie, qui fait que le professeur ou le pédagogue n'est pas le centre d'attraction de toute la classe, et que, à un moment donné, il y a aussi plusieurs petits alliés qui apparaissent là-dedans, et qu'il y a une structure, l'allié peut être aussi un phénomène matériel. C'est ça. On connaît ça, on apprend ça à l'université. Hein, que le matériel didactique. Ce qui permet aux enfants d'oublier le prof pour laisser au prof le temps de se reposer un peu. Sauf qu'à un moment donné, toute la structure est basée sur le matériel didactique et non plus sur l'humain. Même dans les garderies, on en est rendu presque là. Alors évidemment, lorsque l'humain veut venir travailler avec l'enfant, il va se faire têter parce que les enfants profitent de l'aubaine. Il y a une chose importante que la majorité ne pourrait pas faire immédiatement, c'est de ne jamais travailler émotivement avec un enfant. Bon, premièrement. On ne doit jamais travailler émotivement avec un enfant. Ça n'empêchera pas la relation affective, mais on ne doit pas travailler émotivement avec un enfant. Bon. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver les enfants beaux, on ne doit pas trouver les enfants à la fin, on ne doit pas en trouver d'autres plus beaux que d'autres, on ne doit pas... Pourquoi? Parce que si on travaille émotivement avec l'enfant, c'est par là que la majorité de votre énergie va s'en aller. Bon. On a juste à avoir un enfant qu'on aime bien, qui à un moment donné vous envoie carrément promener, puis vous allez voir que de toute façon l'énergie part quand on est rattaché émotivement à un enfant. D'accord? La majorité des pédagogues, ça, ne le savent pas. Ils sont convaincus que s'ils veulent finir par rentrer travailler aujourd'hui, il faut qu'ils s'organisent pour aimer leurs enfants. On peut les aimer, mais avoir une relation émotive avec, c'est-à-dire se servir de l'enfant comme drain émotif. Hein, il y a beaucoup d'adultes qui ont eu des enfants un jour pour pouvoir le gratter dans les cheveux, comme une poupée. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont pédagogues ou qui sont en technique de garderie ou qui sont dans des garderies, justement parce qu'ils se servent de l'enfant pour essayer de communiquer de l'amour. Et ça, c'est le meilleur moyen en communiquant de l'amour. Ils vont en ramassant maudit. Puis quand vous allez sortir de là, vous allez être épuisé. Assez qu'à un moment donné, lentement, ceux qui commencent ne le savent pas, mais il vient un moment donné où est-ce qu'on commence à avoir une espèce d'angoisse de l'éducation. Parce que justement, ils continuent à têter, eux autres. Et nous, on veut plus. On commence à vieillir. On a moins d'énergie à se ramasser. Alors, de quelle façon? C'est de toujours... Il faut que l'enfant comprenne que le têtage d'énergie existe, que l'épuisement existe. Et tout à l'heure, je vous donnais un exemple de relation. Répondre aux questions, ben, à un moment donné, il fait jouer le jeu pour qu'il arrive à comprendre. Il y a toute une panoplie de choses qui rentre en jeu. Et très important, on éduque surtout l'enfant dès les premiers contacts, comme on éduque un cheval. Moi, l'enfant que je rencontre pour la première fois, il fait 3-4 folies, c'est normal, il me prend pour un homme normal. Bon. Je vais le placer, mais d'une façon qu'il ne reconnaît pas. Alors, évidemment, il va être désarçonné. Parce que je le place. Et il y a différentes choses, et ce n'est pas parce que moi, je suis moi. Tout le monde arrive à le faire à un moment donné. Comme par exemple, quand on se met en colère après un enfant, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on a trop tendu avant d'être en colère. Alors, émotivement, on s'exprime. Ça, là, c'est une relation émotive. Là, l'enfant, là, il le fait, il répète 2-3 fois, puis là, tu conserves. À un moment donné, t'éclates. C'est ça, c'est une relation émotive. Je vous dis qu'on ne doit pas travailler en relation émotive avec l'enfant. On l'aime, d'accord, intelligemment, pas émotivement. Alors, ce qui fait que l'enfant, si je découvre qu'il a besoin de plus d'énergie, c'est ça, crier. Tu sais, là, c'est chiqué, je le place. J'attends pas d'être tout à fait manipulé et de plus savoir ce que je fais. Alors, ça m'est arrivé souvent de mettre de l'énergie, de hausser la voix, placer un enfant. Je me retourne vers les autres, puis je ris. Là, lui, il se rend compte que je suis pas en colère. Les autres avec. Fait que je traumatise pas tout l'ensemble pour un. Puis je me traumatise pas moi, parce qu'une fois que j'ai crié, si j'étais réellement émotivement, parce que tout à l'heure, j'expliquais que le système de l'endocrine est la voie d'expression du phénomène psychologique, donc de l'émotion. Si émotivement, j'ai crié, les hormones que j'ai sécrétées qui m'ont permis de crier restent chez moi un laps de temps. Alors, bon, puis là, ma journée n'est plus la même, là. Puis là, les autres enfants, là, c'est plus la même. Puis là, je suis facilement irritable. D'où l'intelligence de crier avant d'être en colère. Alors là, on place l'énergie quelque part. Après ça, on se retourne, puis... là, on va dire, ouais, il ne prendra pas au sérieux, lui. Oh, oh, oh, oh, un instant. Non, il va savoir que vous êtes tout à fait original. Puis il va comprendre, parce que tout à l'heure, je parlais encore une fois du phénomène énergétique. Pédagogiquement, on connaît pas, on s'en sert pas. Si j'ai mis juste un peu plus d'énergie, il y a des chances que j'aille juste faire vibrer l'enfant un petit peu plus haut pour qu'il comprenne ce que j'avais à lui dire. Il va me prendre au sérieux. Je suis pas en colère. Il va continuer à avoir une relation avec moi. On continue à s'entendre. Alors, je continue à barbouiller sur mon tableau, je fais des choses, je me retourne, je le regarde. C'était correct, je fais un petit clin d'œil, c'est pas le fait. Il va continuer à niaiser, je vais recommencer. Mais le pampan criant, je ne recommence pas. Là, il sait que je suis un être sérieux. Et qu'il ne me manipule pas par mon phénomène émotif, donc je ne crie pas quand j'en ai marre. C'est intelligent qui se taise. L'enfant, là, qui se fait toujours gueuler après, il voit pas l'intelligence. Le prof, il me dit qu'il faut pas parler quand il parle. Mais c'est drôle, je parle une demi-heure de temps, puis il m'engueule un qu'après la demi-heure. Ça serait intelligent, il le ferait tout de suite. Bon, il parle de raisonnement logique, un raisonnement d'enfant nouveau. Alors, évidemment, ça, c'est foutaise ce que le prof lui dit. Alors, le prof, il commence, puis immédiatement, il se passe quelque chose. Il gueule pas, il place tout de suite. Mais à un moment donné, il faut mettre de l'énergie. Et on met... Si possible, on crie le moins souvent possible après les enfants, de façon à ce que ça serve de moyen pédagogique. Criez tout le temps, mais il faudra vous taper sur le bureau si vous voulez qu'ils fassent ou qu'ils vous entendent. Vous tapez toujours sur le bureau, il faudra vous monter sur le bureau si vous voulez qu'ils vous écoutent. Et la mère qui crie toujours, ben l'enfant écoute pas. La mère qui crie jamais, quand elle met un peu d'énergie, l'enfant sait que là, il se passe quelque chose. Mais il faut mettre de l'énergie quand il y a intelligence à le mettre. Et encore là, l'éducation devient facile. On ne sait pas tout le temps d'énergie, on a des relations avec les enfants, puis maudit que ça devient plaisant. Ces enfants nouveaux, faut-il les laisser aller, leur laisser plus d'autonomie? Devrait-on agir avec eux comme s'ils étaient des adultes? Exemple, pas de langage de bébé, toujours donner des raisons. Et quels effets peut avoir la relaxation sur ces enfants? Bon, l'enfant nouveau doit être paramétré comme l'enfant ancien. Plus autonome, on devrait d'ailleurs laisser tous les enfants être autonomes. Autonome ne veut pas dire libre. Autonome veut dire qu'on pense qu'ils sont capables de le faire. Bon, ça c'est très important. L'enfant a 6-7 ans, il veut aider par exemple la mère à faire la vaisselle. La mère va répondre, non, il ne fera pas ça comme je fais ça, moi, là. C'est bien grave, ça, de la manger dans les assiettes qui a un petit peu de savon pour l'éducation d'un enfant. Ou bien non, faites la vaisselle au complet après sans qu'il sache. Mais non, on veut sauver de l'énergie pour nous autres, puis on envoie promener l'enfant. Bon. Alors donc, il y a une chose, c'est que l'enfant doit être tout à fait autonome. Maintenant, autonome ne veut pas dire pas paramétré. Je répète que la discipline, c'est une condition sine qua non de l'éducation, de l'instruction. Pour la simple raison que si l'enfant a un cadre, la conscience de l'enfant est comme la conscience de l'adulte. L'adulte, lui, se paramètre par les lois et par la théologie. Certains par la science. La conscience de l'homme ne pouvant tout englober, l'insécurité totale apparaît. Si on met une limite à ces choses-là, ben là, on est paramétré. Dans l'ancien temps, lorsqu'on posait une question un petit peu théologique, pourquoi, par exemple, les bons partent avant les méchants, on répondait, les voies de Dieu sont impénétrables. C'était le paramètre. Ça sécurise l'humain. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. L'enfant, c'est le même phénomène. S'il n'a pas de discipline, c'est qu'à un moment donné, il fait n'importe quoi, puis il a l'impression, au niveau de sa conscience, il a l'impression qu'il il arrive plus à se placer. Tout peut s'en aller, puis il n'arrive pas à rien cerner. Alors, il faut qu'il y ait un paramètre. Ce paramètre crée une sécurité majeure chez l'enfant. Autonome, oui. C'est laisser s'habiller un peu, laisser se tromper de bottes, laisser partir avec une botte placée à droite, la gauche à droite. Laissez le faire, il est parti tout croche, c'est pas grave. Devrait-on agir avec eux comme s'ils étaient des adultes? Non, on agit avec eux comme ce qu'ils sont. On s'ajuste. Les mots de bébé, c'est évident qu'on les laisse tomber. On agit avec eux comme ils sont. Laissez-les parler, vous allez trouver comment ils sont. Quel effet peut avoir la relaxation sur ces enfants? Il y a deux formes de relaxation, une relaxation mentale et intelligente, et la majorité des relaxations conventionnelles. Une est plus adaptée à l'enfant nouveau. Toutes les relaxations sont bonnes pour n'importe quel humain, donc évidemment pour les enfants aussi. Et il y a la relaxation, je vous parle, qui est adaptée à l'enfant nouveau. Pourquoi elle est plus adaptée? C'est que vu que cette relaxation lui demande un travail mental, il sera capable de laisser son corps sans mouvement et travailler là-dedans. Sinon, à un moment donné, il va être hyperactif encore. La relaxation ne pourra pas le calmer. On va revenir dans un dimanche sur savoir éduquer un enfant nouveau. La conférence qu'on a fait ce soir, il y a énormément de personnes qui nous ont demandé si on pouvait la refaire un jour de semaine. Alors, à un moment donné, si vous travaillez avec des personnes qui pourraient être intéressées à entendre parler de savoir reconnaître un enfant nouveau, elle aura lieu, je crois, mercredi le 1er avril. Et évidemment, il y a un dimanche où on va faire la première conférence qui s'adresse évidemment à des personnes un peu plus spécialisées ou un peu plus intéressées. Savoir éduquer l'enfant nouveau, ça sera sans doute une série qui va se faire et elle va aussi, à un moment donné, possiblement se redonner dans la semaine. Maintenant, c'est à vous de communiquer si vous croyez que ce qui s'est passé ce soir est intelligent et utile. C'est à vous de faire en sorte de communiquer et puis on pourra à un moment donné travailler peut-être plus proche. Et il faut travailler avec les enfants, c'est important. C'est travailler avec l'humain. Et quand on travaille avec l'humain, on travaille avec soi. C'est donc absolument génial. Alors, j'abandonne entre la voix de Mario. Passez une bonne soirée. En passant, l'enfant nouveau a plus de...